merci d'être venue. Et merci à Claire aussi de venir me présenter son dernier livre. C'est pas la première fois qu'elle vient parce qu'elle a déjà écrit plusieurs livres. Donc Claire est historienne, elle a écrit sur les Tziganes, sur le mouvement ouvrier à Lyon et sur Louise Michel. Anarchiste. Sur le mouvement anarchiste à Lyon, tu as raison, il faut être très précis. Et puis, comme l'histoire, ça ne lui suffisait pas, elle s'est mise à la poésie, elle a écrit La barre tambule chez nos amis K.A. Et là, elle vient de se mettre au roman avec les aventures extraordinaires de La Plume et Goudron, dont elle va nous dire quelques mots. Elle va nous parler du style du livre et du contenu, et on pourra débattre à bâton rompu sur tous ces sujets. À toi la parole. Claire est aussi l'une des créatrices des éditions Égrégore qui ont publié 4 livres qui sont devant vous. Donc je ne les citais pas, c'est juste, je crois que c'était le plus beau qu'à. Il est épuisé. Merci bien. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois que je viens présenter un livre au CIRA. Je crois que le premier que je suis venue présenter au CIRA, c'était le Paris révolutionnaire. Et cependant, ça fait une paille que je connais le CIRA et qu'on parlait bien avant avec René, de la possibilité de venir. Mais voilà. Alors, de l'histoire au roman, je vais être brève pour vous laisser poser les questions et orienter la discussion dans le sens qui vous intéresse, vous, voilà, plutôt que moi m'étaler longuement. Bon, alors la question du roman, ça fait longtemps qu'elle se pose à moi et qu'on m'a déjà fait plusieurs propositions d'écrire des romans. Et il y a une dizaine d'années, j'en parlais avec Cesare Battisti, parce que nous avions un ami commun qui s'appelle Lionel Sanz, qui est le neveu de Ricardo Sanz et qui est mon frère jumeau, et qui me disait: Claire, après que tu aies interviewé mon grand-père, toute la famille est anarchiste dans tous les sens depuis l'Espenstra, ce que j'ai fait avec lui il y a 35 ans, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire la biographie de mon père? Alors je commençais à trouver la famille un peu lourde sur mes épaules, et donc l'idée était ce père qui, comme Diego, avait été aux Jeunesses Libertaires en Espagne, etc., d'en faire un roman, parce que c'était une très belle histoire, etc. Et puis, je ne l'ai pas fait, c'est tombé à l'eau, et puis beaucoup de fois est revenue la perspective de faire un roman. Mais quand on est parti avec l'histoire, c'est très difficile de se détacher pour entrer dans le roman. Mais là, à l'aide de presque une personne, en fait, que j'ai rencontré en cours de route dans ce travail, j'ai réussi à trouver l'ouverture vers ce que je voulais faire. Et cette personne, c'est Golo, le dessinateur du Paris révolutionnaire. Un jour, Golo vient à la maison et je lui dis: oh là, je suis emmerdée, je suis en train de faire un bouquin sur une histoire de cambrioleur, et puis c'est pas exactement, ça passe pas comme je veux, il me manquait un truc, ça décollait pas. Je dis: je suis emmerdée. Et puis ça s'appelle comme ça et comme ça, et Golo me dit: mais comme ça, mais tu vois bien que c'est une référence à la bande dessinée des années 30, me dit Golo. Ah, je lui dis, mais bon Dieu, c'est bien sûr. Et lui, Golo, avait compris des références qui m'échappaient à la bande dessinée, parce que je ne la connais tout simplement pas assez. Et à partir de là, on s'est mis à discuter avec lui du contenu de ce que j'étais en train d'élaborer, et il m'a dit « Non, mais c'est vachement bien, il faut que tu la joues dans ce sens-là, il faut que tu la joues bande dessinée. » Et à partir de là, en discutant avec Golo, je suis partie dans l'idée que mon roman, c'était une série de tableaux pour une bande dessinée. Et actuellement, il est à l'étude chez Golo pour savoir si, oui ou non, il va m'en faire la bande dessinée que, en fait, depuis le début, oui, que depuis le début, je... Chut. Le débat sera ouvert après la fin. Le débat sera bientôt ouvert. Bientôt. Voilà. Alors, maintenant, il s'agit là des aventures extraordinaires de La Plume et Goudron, travailleurs de la nuit. Il s'agit d'une histoire de vol ou de reprise, comme on dit chez nous, à laquelle j'étais d'autant plus sensible que son sujet m'était arrivé par l'intermédiaire d'un ami très très proche à moi, qui s'appelle Everest. Ça ne s'invente pas, Everest. Et c'est par son intermédiaire que j'ai eu l'idée de faire ce livre. Everest, quand moi j'étais en prison, il était encore un petit peu en cavale, et dans le même procès que moi, il a pris 9 ans de prison, et il en a fait 5. Alors, nous avions une complicité, une intimité qui va durer toute la vie avec la question de la reprise individuelle. Je me suis trouvée avec cette histoire à la croisée de beaucoup d'histoires que j'avais envie de raconter. Mais j'avais pas non plus les mains libres parce que on peut pas non plus scier la branche sur laquelle on est assis. Et quand j'ai voulu écrire un roman, par exemple, sur le RMI, que j'ai écrit d'ailleurs, qui s'appelle Les Vieillards Célestes, dont aucun éditeur ne veut, je me suis aperçue qu'à raconter trop de choses, je sciais la branche sur laquelle j'étais moi assise ainsi que tous les autres RMistes, et qu'il y avait des trucs qu'il fallait que je contourne. Voilà. Donc j'ai choisi, pour les contournements qui m'étaient imposés par le sujet de ce livre, j'ai choisi, comme absolument tout le monde dans ce cas-là, l'argot. Et alors ce livre est pour moi un exercice de style sur l'argot. Certains l'ont trouvé réussi, d'autres, jusqu'à présent, à ma connaissance, l'ont trouvé raté. Il y a tous les avis. Moi, en tout cas, je n'avais jamais travaillé sur l'argot, et ça a été, pour moi, pour tout vous dire, un gros travail. Un vrai gros travail. Et c'est le travail d'écriture qui, moi, m'a intéressé là-dedans. Ce qui m'a intéressé, au bout du compte, c'était pas de rapporter fidèlement des fantasmagories et réalités que je pouvais connaître. Non, c'était ce travail sur l'argot que j'ai fait longuement à l'aide de diverses aides. Arthur s'était intéressé à l'argot avant moi et m'a donc fourni divers dictionnaires que je ne connaissais pas. Celui qui m'a été le plus utile, sur lequel j'ai le plus pioché, c'est celui de Bruant, qui m'a parfois régalé. Et je vous dirais vraiment, aujourd'hui encore, il y a un certain nombre de mots, je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent dire. Ne me demandez pas, hein, parce que je n'en sais rien. Je les ai trouvés une fois et puis basta. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un lexique, qui d'ailleurs n'est pas forcément parfaitement fait, mais ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. C'est pas un livre qui a des prétentions. En revanche, il y a une prétention qu'il a, ce livre. C'est qu'il vaut au moins autant qu'un autre son pesant de pavé. Et là, je serais extrêmement mécontente qu'on considère qu'il s'agit, comme nous le disions récemment avec un de mes camarades, d'une bluette, d'un petit livre sans conséquence et sans importance. D'abord parce que ça implique des actes, ça implique des rêves, ça implique des écrits, ça implique des mots et ça implique des vies, aussi bien celles de l'auteur que celle de ses personnages. Donc premièrement, rien que ça déjà, c'est une prouesse de survivre de nos jours avec un minimum de désir de balancer un pavé. Donc, rien que cette prouesse-là mérite d'être saluée. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, essayer de soulever les affaires de reprise individuelle, c'est aussi, c'est pas facile. C'est pas facile si on veut les soulever avec l'ensemble de leur complexité, parce qu'il n'y a pas tellement de gloire à aller en tôle, tout le monde y va. Hein. L'objectif de ce livre, c'est pas de glorifier l'art d'aller en tôle. Hein. Parce qu'alors la tôle, franchement, il y a n'importe qui en prison. Et être en prison, ça ne rend pas les gens plus intelligents. Hein. Tous les prisonniers vous diront qu'au contraire, ça les rend plutôt plus cons. Bon. Donc il ne s'agit pas non plus de se tromper, de... d'idéologie, si je peux dire. Voilà. Donc, autant que j'ai voulu faire ce livre, autant je n'ai pas voulu sacrifier a des vaines apologies. Voilà. C'est certainement la raison pour laquelle il a ce ton mineur, mais moi j'ai toujours choisi le ton mineur dans tout ce que j'ai fait. Ce qu'on appelle le ton mineur, c'est Kafka pour une littérature mineure, écrivait Gilles Deleuze et Félix Guattari. Seul le mineur a une puissance opérationnelle. Toute revendication de majorité est cuite d'avance, ne peut être que rachetée par le pseudo-adversaire. D'ailleurs, nous en avons des exemples politiques à foison. Seul le mineur est encore dans la pugnacité. Donc j'ai choisi effectivement le ton de la minorité, mezza voce. Voilà. Et maintenant, aux lecteurs, à eux-mêmes s'emparer de ça, pour eux-mêmes pousser le débat, les questions ou les choses dans le sens qui leur convient à eux. Ça, c'est autre chose. Un livre est fait pour ça. Voilà, donc je me tais. Quoi ? Cause, nous avons les moyens de te faire parler. Je vous écoute, je répondrai à vos questions plutôt que de... Voilà. Il y a diverses façons d'envisager, je ne sais pas, quelle est celle qui vous intéresse ? Ouais, le choix de l'argot. Le choix de l'argot ? C'est pas parisienne ? Non, je ne suis pas parisienne. Non. J'ai vécu à Paris longtemps. Ouais. Je ne suis pas parisienne. Et vous ne connaissez pas l'argot ? Ben, je connaissais le mien. Mais le mien, c'est pas tous les argots. Ouais, c'est ça, ouais. Hein ? C'est pas tous les argots. Donc. Mais là, tu as écrit un argot parisien. J'ai volontairement contourné l'argot tzigane parce que ça pouvait être un peu naturel qu'on m'attende au tournant de l'argot tzigane, mais il y a un énorme débat dont je suis très très bien informée sur la question de l'argot tzigane. J'ai fait exprès de ne pas vouloir entrer dedans parce que je ne m'appelle pas Alice. Voilà. Alice Becker. Becker, oh. Voilà. Donc, effectivement, je n'ai pas utilisé l'argot tzigane, que j'aurais pu, bien sûr. Ouais. Hein, et j'aurais trouvé que ça aurait été d'ailleurs d'assez mauvais goût, sincèrement. Une conjonction d'assez mauvais goût. Oui. Je l'ai donc, effectivement, celui-là, je l'ai utilisé. C'est une sorte de parti pris, parfaitement. Bon. Donc, celui que j'ai utilisé, c'est celui que j'avais à ma portée. C'est-à-dire celui que je connaissais, que j'utilisais, celui que je découvrais dans les livres qui étaient autour de moi, et voilà. Donc ça mélange tous les argots, c'est-à-dire qu'il est question aussi bien de... Comme ça se passe à Lyon, est-ce qu'il y a des mots de lyonnais ? Oui, il y a quelques mots de lyonnais, parfaitement. Il y a quelques mots de lyonnais. C'est pour lui dire que ce n'est pas uniquement un argot parisien. Oui, il y a quelques mots de lyonnais, oui, grabotés, des mots que me disait ma grand-mère. Parfaitement, ou etc. Il y a même quelques mots marseillais, du genre dégain. Tu vois, le parisien qui va lire dégain, on se demande ce qu'il va en faire. Mais, c'est un choix, c'est le choix que j'ai fait, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une étude littéraire sur l'argot, ni historique. Je n'ai pas choisi l'argot du XVIIIe siècle. Tu comprends ? J'ai utilisé tous les argots. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça décontenance, et ça... mais je n'ai pas écrit un livre d'histoire. Mmh. Alors, il y a des fois des critiques, parce que je mélange la coquille, les coquillards, l'argot des bistrots, Bob Giraud, Bruant, et l'argot et les banlieues, tu vois. Hein? Alors, j'ai pas pris le javanais, j'ai pas pris les trucs que parlent les jeunes aujourd'hui, je suis pas entrée là-dedans, mais j'ai utilisé les éléments d'argot que je connaissais. C'est, en cela, c'est pas une œuvre littéraire parce qu'il n'y a pas de cohérence dans les argots. D'accord. C'est les argots. Mmh. Voilà. Okay. Voilà. Ce sera alors suggestif pour le Donc, comme tu as dit que c'était un exercice d'écriture, maintenant je comprends bien. Donc, comment tu as fait ? Tu as d'abord écrit en français, après des l'argot, et tu as changé des mots. Le problème de l'argot, c'est que souvent, ça n'enrichit pas la langue, ça la camoufle. Hein. Alors oui. Je m'inscris oui. La contre. Oui. Ça dépend de l'utilité du débat. Oui. Et pourquoi pas ? C'est pour ça qu'il y a tant d'argots différents, c'est que ça devient un langage d'initié, certaines personnes comprennent d'autres personnes. Exact, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, s'agissant d'argot, là, dans un cas pareil, hein, comment te dire, c'est assez cohérent. Par exemple, à Marseille, à propos de Degas, avant, on disait à Marseille, le pauvre Degas, c'est-à-dire, Degas, ces personnes, le pauvre Degas, ça devenait dommage qu'il n'existe pas. Voilà. Oui, le pauvre Degas, on disait. Il était toujours à la copine avec un adjectif. Et ce que je reproche le plus aux acteurs de polar marseillais, c'est d'utiliser des mots grossiers qui n'ont jamais été employés à Marseille ou en Provence. Et que par exemple, là, quand je vois un âne comme Grosso, qui est tout loin de dire putain de con, moi, si dans ma jeunesse, je dis putain de con, je suis magique, je n'arrive pas du vieux fort. C'est normé. Et ça ne force rien au discours. Hein. C'est pas le cas de ce livre. L'objectif n'était pas de verser dans la grossièreté, loin de là. On avait d'autres chats à fouetter. Mais pour garder une dimension, comment te dire, je dirais onirique, l'argot, pour moi, peut-être que je me suis gouré et que ça n'a pas marché. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs parmi vous qui ont déjà lu le truc, mais pour garder la dimension onirique, l'argot m'a apporté ce plus de dimension onirique. Voilà. Bon, Arthur, puisque tu cites Marcel Schwab, que veux-tu dire sur cet auteur? Quel rapport avec le bouquin de Claire? Intéressé à l'argot parce que justement il a compris à partir des bidons, etc. Les sociétés argot quotidiennes et partenaires, et comment il évolue et comment on l'insère en faux. Cette thèse était générale, mais elle serait fausse. Mais en réalité, ce que tu as dit est très intéressant. Sur l'argot ici, qui a le provençal avec mon plaisir de suspicion. L'argot avant tout, c'est une langue qui résiste, qui casse la langue dominante pour effectivement des personnes qui sont contre cette société, qui résistent d'une manière ou d'une autre, quelquefois c'est de façon idiote, évidemment, quand il s'agit d'arrière avait raison, quand il disait, eh oui, vous voulez les riches pour donner aux pauvres, comme ça ils pourront payer leurs impôts. Oui, mais ce qu'on peut reprocher souvent à l'argot, c'est que c'est une langue qui se veut populaire et qui quelquefois est mal employée. Qui devient, parce qu'une langue. Ça, c'est une vraie question intellectuelle sur le phénomène populaire. Attends, chacun son tour. Oui. Je pense que quelqu'un qui emploie certains mots d'argot, c'est pour rendre l'image plus riche et pour enrichir, disons, l'adjectif. Oui, c'est voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ajoute quelque chose, la beauté devient une grande beauté, ainsi de suite. Le détail devient un petit détail. Voilà. Mais le mot qu'on ajoute n'apporte rien à la langue, mais n'enrichit qu'à moitié. Parce que ça se veut un langage populaire, là, on le veut ou non. À part certaines choses. Ça se veut, ça sourd. Ça sourd de la résistance. Dans tous les cas de figure, on est dans ce livre, dans un, voilà. univers. J'ai pas encore lu le livre, c'est pour ça que j'ai dit qu'on avançait, j'ai l'attention sur la pointe des pieds. Tout empressé de. Je vais le lire ce soir. Mais dans tous les cas de figure, on est dans ce livre, dans un. Du mal, parce qu'elle a léché partout. Tour de parole, s'il vous plaît. On est effectivement dans un environnement populaire. On n'est pas dans un environnement de happy few, ni de youpees. Il y a un deuxième point. Dans ce livre-là. C'est la prison. Il faut chacun terminer ce qu'il a à dire. Claire est en train de parler, tu reprends la parole. Non. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions à poser. Non, jouer lui avec quelque chose. Attends. Vas-y. Ce que je voulais savoir, c'est par rapport à la référence que vous avez citée tout à l'heure. De la bande dessinée. Oui. Je ne la connais pas. Oui. Mais par contre, j'en connais une autre. Je voulais vous poser donc la question de savoir si vous connaissez cette référence-là. C'est donc la pièce d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le système du docteur Durand. Oui, bien sûr. Absolument. Edgar Poe. Ça c'est la nouvelle de Tarpeau. Et en fin 19e, il y a un certain André Delorme qui a fait l'adaptation théâtrale de cette nouvelle. Alors ça, je ne connais pas. De cette nouvelle. Oui. Mais c'est bien Edgar Poe qui nous a tous mis d'accord et qui a emporté le morceau. On peut dire qu'il a recueilli l'assentiment parfaitement unanime pour avoir un titre satisfaisant. C'est le système du docteur Laplume et de machin Goudron. Et c'est une pièce qui, moi, m'a convenu, mais 100%, parce que c'est une histoire de fou. La nouvelle, c'est à l'origine, c'est une histoire de fou, ça se passe en HP, en hôpital psychiatrique, et ça m'allait, mais comme un gant, c'était très bien. Soit, en fait, l'adaptation de cette nouvelle-là, c'est une pièce de théâtre qui fait partie du répertoire du Grand Guignol. Ah ben voilà, le Grand Guignol, un théâtre un petit peu particulier. Oui, à Lyon. Mais Guignol à Lyon, c'est une tradition. C'est pas de la marionnette. Ah bon? Le théâtre assez extrême. Le vouloir du pays. D'accord. C'est du théâtre gore. Théâtre, oui, ben tu vois, ben c'est parfait. Non mais on est cohérent. Mais l'histoire de... Ah, mais je ne sais pas, c'est la question un petit peu que oui, ah ben on est cohérent, oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette référence-là, cette référence que porte? Aucune, je ne la connaissais pas. C'est vous qui me la prenez. C'est la pièce de théâtre et tout ça, je ne connais pas. C'est un classique, cette pièce-là. Ah ben... C'est un répertoire du Grand Guignol. Ouais. Mais on est cohérent par rapport au sujet. Oui, ça se passe aussi dans un hôpital psychiatrique. Mais à la différence de la nouvelle, que je connais aussi, c'est deux journalistes qui vont dans un hôpital psychiatrique pour faire un reportage pour le journal. Et donc ils se pointent, il y en a un qui est entraîné plutôt par l'autre. Et ils sont accueillis, donc ils arrivent dans le hall de l'hôpital psychiatrique. Ils sont accueillis par la suite par un personnage qui se présente comme le directeur. Et en fait, bon, on va s'apercevoir assez rapidement qu'il ne s'agit pas du tout du directeur, mais qu'il s'agit d'un fou. Oui, c'est ça. Oui, c'est et en fait, on s'aperçoit aussi au fur et à mesure que les fous ont pris le pouvoir. Sur l'hôpital psychiatrique, sur les gens. Je confirme. Ça devient extrêmement sanglant pour les journalistes. Je confirme qu'on est cohérent par rapport à la façon que je pouvais avoir de vouloir montrer cette histoire. Voilà. On est tout à fait cohérent. Est-ce que les personnages sont de ton roman sont dans une histoire de fou? Ah bah tout complète, oui. C'est de toute façon, pour faire des coups pareils, il faut vraiment, tu vois, il faut en vouloir, et seuls les fous peuvent en vouloir. Les autres, ils n'ont pas les moyens. C'est... Il y a eu le dé du chalumeau, quoi. Tu... Oui, François. Non, finalement, pour mon fils, là... Jean, pourquoi j'ai deux problèmes. D'abord, à propos de fou. Parce que pour moi, les fous qui se passent, ce sont des gens différents, c'est tout. C'est-à-dire, ce qui est logique pour un ne l'est pas pour l'autre. Donc, la folie qui se passe, pour moi, pas. Et deuxièmement, ce qui me gêne un peu, c'est la minor en Hong. Parce qu'il arrive quelquefois où, lorsqu'on est en cellule, on n'est pas plus con ou moins con. On a le temps de réfléchir à certains problèmes plus importants qui sort, qu'on n'a pas le temps d'évoquer lorsqu'on est en activité. La prison, pour certains, à condition que ça ne soit pas pour l'homme, je dis bien, hein, a un côté bénéfique. Parce que ça permet de se retrouver, de se renfermer et d'arriver à définir certaines choses différentes. C'est-à-dire, c'est l'histoire de pour y voir clair et pour fermer les yeux. Alors là, c'est difficile à expliquer. Et dans ceux qui ont lu le livre, il y a peut-être des questions, non ? Sur la prison, j'en ai discuté avec. Bon, on a l'impression qu'il y a pas mal de livres écrits par des taulards, des ex-taulards. Alors on se dit, putain, Puis souvent, l'histoire, c'est un peu comme une nouvelle spice. Alors ils étaient d'un milieu populaire, c'était à moitié à illettré, et puis ils arrivent, au bout de X années de prison, ils arrivent à écrire des bouquins, mais bon, c'est combien ? C'est 1 sur 1000 qui a fait ça ? Ou 1 sur 10 000 qui a réglé ? C'est des individus exceptionnels qui ont passé des études et des diplômes. Ce n'est pas pour l'homme. Je ne sais pas, moi, si c'est une histoire de temps. C'est une histoire de volonté de pas regarder M6 tout. Toute la journée, comme font 90% des prisonniers. Je voudrais dire que j'ai seulement soulevé cette affaire de prison pour vous indiquer que je n'avais pas voulu, par ce livre, où il est question d'illégalisme, donc de proximité de la prison, puisque quand tu commets des actes illégaux, tu risques d'aller au trou à tout instant. Tu mets donc ta vie en danger. Voilà. Donc c'est la seule chose que j'ai voulu dire en soulevant cette affaire de prison, c'est que c'est pas pour autant que je considère que vraiment ce soit le sommet des capacités révolutionnaires que d'aller se coller, soit aller en prison, soit risquer d'aller en prison. Et bien au contraire, je dirais que mes héros, ont précisément cette chose rare, qu'ils ne vont pas beaucoup en prison. Et que l'un dans l'autre, ils sont quand même restés en vie, les héros, dans l'actualité. Ben, coup de chance, ouais. Non, pas forcément. C'est peut-être un coup de tête. C'est peut-être un coup de tête. Et voilà, c'est ça que je veux dire, simplement. Tu comprends que il ne suffit pas d'être en taule pour... Alors. Alors, quelle est la part de réalité et la part de fiction ? Quelle est la part de réalité ? Non, alors écoute, la part de réalité, c'est toutes les réalités que je connais moi de ce domaine, hein, étant donné que j'ai baigné là-dedans beaucoup et que c'est public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un... J'ai baigné dans l'illégalisme, c'est une affaire tout à fait publique, hein, donc j'emprunte à ce que je connais des réalités, comme tout auteur, pour décrire ce que j'ai envie de décrire. Je ne peux pas te répondre autrement que ça. Tu vois ? Même, honnêtement, j'emprunte. J'emprunte à mon univers que je connais, les éléments de réalité que je connais, pour les construire en bouquin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Tu comprends ? C'est comme ça qu'on écrit les livres d'habitude, d'ailleurs. Finalement, tout le monde écrit les livres comme ça. Ah bon, bah je te le dis, surtout les écrivains, enfin les romanciers, surtout les romanciers. Ça devient compliqué avec l'autofiction. Oui. Oui. Là, tu as parlé de dessin tout à l'heure, je voudrais quand même vous dire un mot sur la couverture, donc c'est Charmac qui l'a réalisé. Oui, c'est un copain. C'est un copain qui est sur Marseille, qui dessine dans des revues, notamment Leur Avis, entre autres. Et il a fait une très belle couverture. Ce que je voudrais dire, c'est sur l'illégalisme, peut-être, si vous le voulez bien. Hein ? Vous voulez bien ? Bon, voilà. Donc, c'est un roman qui met en scène des praticiens de l'illégalisme, que j'ai appelé « Travailleurs de la nuit » en référence à un titre qui a enchanté ma jeunesse. La première fois que j'ai découvert ce titre-là, j'avais 20 ans, c'était un livre, c'est le livre le plus esquinté de ma bibliothèque, il n'y a plus une page qui tienne debout, tellement que je l'ai prêté aux gens, et j'avais 20 ans. Voilà. Il s'agissait donc d'Alexandre Marius Jacob, et c'était une biographie loin d'être la meilleure, mais enfin, c'est tout ce qu'on avait à l'époque quasiment à se foutre sous la dent. Il va donc de soi que Travailleurs de la nuit, s'il y en a qui ne le savent pas, ça réfère à Alexandre Marius Jacob. Ceci étant, ce n'est pas mon titre, qui est un Marseillais et dont nous avons ici quelques archives. Ceci étant, j'insiste sur le fait que ce n'est pas mon titre. C'est le titre des éditeurs. Car mon titre, c'était Les aventures extraordinaires de la plume et de goudron. Mais c'est les éditeurs qui avaient vraiment besoin d'estampiller dans un sens un peu plus explicite et qui ont voulu nous coller ça là-dedans. Je, pour vous, puisqu'on est là pour expliquer des choses. Voilà. Donc, bien, nous... Tous les envoyés là sont bien. Nous sommes passés, je suis passé, ainsi que les gens avec qui j'ai parlé, par Edgar Poe. Puis... Merci Arthur. Merci Arthur. Puis par, ou avant, préalablement, bien entendu, Alexandre Marius Jacob, dont nous attendons une vraie biographie sous peu. Jean-Marc voilà. Delpech, qui a voilà. fait une thèse. Mais si vous voulez, Alexandre Marius Jacob, c'est toute une vie, c'est toute une époque, c'est tout un système. Il n'est pas question de reproduire ici du Alexandre Marius Jacob, c'est débile. Mais simplement, Jacob a inspiré à beaucoup de gens. Par exemple, dans ma génération, il a inspiré des modes de réflexion, il a inspiré des rapports à l'action. À l'époque, on n'avait pas le livre de l'insomniaque, on n'avait pas la biographie de Delpech, on n'avait que cette espèce de pseudo de biographie de Bernard Thomas. Et ça a soutenu quand même, je dirais, l'imaginaire et, dans certains cas, la pratique d'un certain nombre de gens et de beaucoup de gens. Beaucoup. Oui, donc puisque tu es des années 70, c'était vraiment très pratiqué. Très. Ce que tu racontes dans ton livre. Très. Oui, je sais pas. Très pratiqué. Oui, le nombre de gens que je... Absolument. Donc moi, mon roman se passe de 1960 à 1980 parce que je pense que c'est une période propice à ça, si tu veux. Les années, l'aube des années 60, à mon avis, est intéressante parce que c'est là qu'il y a des choses qui naissent. Et 80, c'est vraiment la fin des haricots. Là, honnêtement, c'est vraiment la fin des haricots. Bon, pour se bouger, enfin, bon, voilà, ça c'est une chose. Bon, là, les personnages, j'ai donné à ces personnages une dimension tout à fait spécifique qui leur est propre à ces personnages. Une cible explicite, ben, bon. Voilà, tu as des tireurs d'élite, t'en as qui savent tirer, t'en as qui savent pas tirer, il y en a qui font n'importe quoi, qui tirent n'importe quoi et qui croient qu'avec ça, ça y est, ils ont renversé le capital, et puis t'en as d'autres qui décident que ça, c'est bon, ça c'est une cible. Il se trouve que les miens ont fait ce choix d'une cible spécifique, à savoir les notaires. Moi ça m'intéresse, dans l'anarchisme, les notaires, puisqu'ils sont les gardiens de la propriété, il n'y a pas plus cohérent. Mais... Les notaires, c'est les gardiens de la propriété. Tu brûles les actes des notaires, tu n'as plus d'actes de propriété. La propriété n'existe plus. Tu ne peux pas cibler mieux dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui s'intéressent à la consommation, ni plus ni moins, et qui vont consacrer leur vie à tirer, à faire du tir à la roulotte pour être déguisés à la mode. Tu comprends? Tous les vols ne sont pas quand même pareils. Bon, alors, il se trouve que ceux-ci ont un sens, on va dire, si on veut, politique, si on veut, comme anarchiste, spécifique. Mais ce qui, moi, m'importe davantage, c'est que dans les années 60, beaucoup de gens donnaient à la reprise individuelle un sens politique majeur. Majeur. Et moi, j'étais une jeune, très jeune fille en 68. Je n'avais que 17 ans. Mais pour nous, après 68, par exemple, il n'y avait pas un gramme d'activité politique cohérente sur aucun front. Tout était fini. Toute révolution était derrière nous. Ça, c'est les parfaits romantiques. Hein? On dirait Shelley et Mary avec son Frankenstein. La révolution, elle est derrière nous. Elle n'est pas devant. Elle n'était pas devant. Elle n'était plus devant. Il fallait être vieux pour que la révolution soit devant soi en 68. Quand tu as 17 ans sur les barricades, ton compte est bon. C'est comme avoir 17 ans à Barcelone. C'est fini. Après, il ne peut plus rien avoir de cible politique au sens politique alternatif. Alors tu fais quoi? Et tu fais ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Et voilà comment des milliers de gens, des milliers sont entrés peu ou prou dans des éléments de reprise, mais pas tous de façon articulée comme les personnages de mon livre. Beaucoup, c'était simplement pour survivre. Ils allaient remplir leur caddie au supermarché. Combien j'ai de copains comme ça qui allaient remplir leur caddie au supermarché. Ils ont fait leur vie comme ça. C'est pas à moi de juger, hein, si c'est grand ou petit. Bon, il y a ceux qui ont fait ça. Il y a ceux aussi qui se sont attaqués à tel type de cible. Et puis il y a ceux qui considéraient, comme ceux avec qui j'étais, qu'ils allaient surtout tirer le pognon pour survivre soi-même. C'est-à-dire qu'on était vraiment, tu vois, on n'aurait pas fait ça, je pense qu'on se serait suicidé. Parce que honnêtement, il n'y a pas d'avenir. Voilà. Voilà. Hein? Donc la reprise, parce que pour entrer dans la reprise, il faut, sauf dans certains cas, il faut vraiment avoir une sacrée dose de, non seulement nihilisme, mais renoncement à toute forme d'après. Il n'y a plus d'après. Bon, ok. Sauf, quand tu tombes sur des personnages, j'en connais quelques-uns, pour qui la drogue devient... Tu sais utiliser la drogue. Voilà, tu as ceux qui se font des overdoses et qui y passent tout de suite, et puis ceux qui savent... faire de la consommation quotidienne toute leur vie, comme Malraux, par exemple, l'opium. Hein? Burroughs, etc. Et qui n'en meurent pas et qui savent rester en vie. Voilà. Bon, il se trouve que les personnages qui sont là sont des personnages qui ont, en quelque sorte, deux leçons à nous donner, à mon point de vue. Celle d'avoir décidé de pratiquer la reprise individuelle contre une cible spécifique ayant du sens, et celle d'avoir su le faire avec une longévité et en restant vivant. Voilà. Voilà ce qui peut justifier le goût ou l'intérêt que j'ai pu avoir à faire ce livre. C'est pas n'importe quel livre, n'importe comment, c'est un livre qui raconte ça. Des différences pour les destinées, aussi l'usage ou non de la violence et des armes, peut-être. Alors ça en fait partie, bien entendu. Tu survis peut-être plus longtemps quand tu utilises les armes. Évidemment, bien entendu. Parce que chez... Tu peux aller plus vite si tu n'as pas de chance. Bah, bien entendu, parce que chez moi il y avait des armes, mais ça a fait long feu. Évidemment. Bien sûr. Donc là il y a des choix. Il y a des choix de combativité qui se font, à mon avis. Et en effet, de stratégie, une stratégie. Mais ce qui est remarquable, c'est d'avoir réussi à la faire, parce que des gens qui ont prétendu prendre de telles stratégies, il y en a quand même eu un sacré paquet. Hein. Honnêtement, il y en a un sacré paquet. Je ne sais pas si même un jour on arrivera à faire l'histoire. Je, comme historienne, je me demande avec quels éléments on va réussir à faire l'histoire de tous ces gens qui ont pratiqué l'illégalisme. Peu ou prou. Hein? C'est pas possible. Bon, alors, mais moi, à mon avis, c'est vraiment beaucoup, parce que déjà, j'en connais pas mal. Non, mais... Si les personnes concernées écrivent un texte dans mémoire, à lire après leur mort, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup, tu vois. Et il y a beaucoup de gens. Par exemple, la copine qui était dans le même coup que moi, par exemple, hein, qui, elle, braquait, elle ne veut pas qu'on me dise. Elle braquait, elle s'est éclatée, elle était remarquable, cette nana, mais remarquable. Pour ceux qui n'ont pas lu encore, il y avait. Eh bien, elle ne veut pas en parler. Alors que c'était dans les journaux, tout le monde le sait, tout le monde qui s'intéresse à ça, c'est que c'était elle, la femme gangster, tu vois. Son nom était dans les journaux. Mais bien sûr, tout. Elle a été condamnée, puis en public, tout le monde l'a, on était aux assises ensemble. Mais c'est pas son problème, c'est pas qu'elle renie ce qu'elle a fait. C'est pas qu'elle renie, c'est qu'elle ne veut pas en parler. Elle veut pas qu'on parle d'elle non plus. Aujourd'hui, non. Parce que ce qui est très difficile, quelquefois, c'est de définir le but avant de définir la stratégie. c'est-à-dire savoir où on veut aller. C'est ce qui est très délicat et très complexe. Elle considère que... C'est l'histoire du chercheur, voilà, et le plus dur, c'est de savoir ce qu'il cherche. Parce que c'est très intéressant de dire « je vais à tel endroit, mais où est-il ?» C'est ce qui m'a surpris que tu me racontes que, après 60 ans, vous avez le sentiment que c'est fini. Les jeunes. Oui. Parce que cette sorte de légalisme, je connais aussi des amis, je connais en Allemagne dans les années 70. Mais ça, c'était une motivation, c'était une motivation optimiste. Alors, plusieurs gens l'ont fait pour, par exemple, donner les réussites à des mouvements, à des groupes qu'ils soutiennent. Ça, c'était une éthique qui était répandue. Je connais pas mal de gens qui l'ont fait pour subventionner la révolution en tant que encore croyante à la révolution. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a des gens qui ont beaucoup parlé de ça. Mais moi, ceux que je connais, c'est surtout ceux qui ont subventionné leur propre survie, à vrai dire. Ce que moi je connais dans la vie quotidienne, par exemple, tu vois. Bien sûr, beaucoup ont parlé de ça. Certains l'ont fait. L'éditeur était très attaché au fait que je donne une importance particulière à cet aspect des choses que de subventionner une cause. L'éditeur, par exemple, il a voulu imprimer ce sens. Tu vois. Mais je n'avais vraiment aucune raison de ne pas être d'accord, qu'il n'y a pas eu de problème pour moi. Mais je connais surtout des gens qui sont pas là, ou qui sont derrière, qui non, on n'avait pas... Non. Pas de cause. Ce que tu dis, c'est intéressant, il y a le livre sur le mille, là, qu'on fait nos amis du CRAS, et quand j'ai présenté à plusieurs reprises, vous parlez du mille, moi je présentais comme un groupe qui luttait en Espagne contre Franco, ou qui étaient révolutionnaires, mais eux insistent énormément sur que c'était ceux qui étaient au mille, c'était leur choix de vie, de faire des braquages et du de ça. Donc c'était non seulement pour une cause politique, une cause politique peut-être extérieure à leur propre personne, mais aussi pour eux-mêmes, pour au lieu d'aller c'est dans ça. Le salariat et d'aller bosser à l'usine ou au bureau, c'était leur moyen de survie et de se nourrir et de se vêtir. Et ça, bon, à deux ou trois reprises dans les échanges de courrier, il faut vraiment le marquer, il ne faut pas dire juste que c'était des révolutionnaires espagnols ou internationaux. Quoi. Surtout vu le nombre qu'ils étaient. C'est vrai que finalement, leurs actions ont pu se servir, enfin, ça a mal terminé pour la plupart d'entre eux, malheureusement, puisqu'il y en a un qui a été garrotté, Salvador Pilantic, d'autres... Il bat dans la tête quand il s'est échappé de prison, voilà. Parce que la frontière s'est fait tuer par les deux, etc. Mais bon, apparemment, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de vie intense de jeunes qui vivent intensément pendant quelques années de leur vie. Et qui auraient, bon, peut-être c'était utopique, qui espérait que ça dure le plus longtemps possible. Il y a peut-être une donne aussi, c'est que, du moins, pour les gens qui n'ont pas pratiqué ça ou qui ne connaissent pas ces pratiques-là, un petit peu, je ne trouve pas de mot approprié, mais un peu, ça sauve un peu la morale, c'est-à-dire si tu vas voler ou faire chez moi, au nom de la révolution, ça va, quoi, c'est une grande cause, alors tu peux le faire. Et de le dire, non, mais c'est aussi une morale personnelle par rapport à la société dans laquelle je vis, et à mon avis, c'est une idée qui est vachement bien, y compris dans les milieux. Oui, et c'est pour ça que j'insiste, bien que ce livre soit particulièrement explicitement inscrit dans un cadre théorique et politique bien défini, l'anarchisme, c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que c'est pas la peine de s'embarrasser de nobles causes. Parce que la vie quotidienne, il faut se la farcir. Hein. Alors, tu viens de dire, ça s'inscrit dans, chez un éditeur libertaire. Alors pourquoi tu as mis que c'était des hydropathes et pas des anarchistes? Mais... Alors, question. Alors, je t'explique pourquoi j'ai mis que c'était des hydropathes et pas des anarchistes. Parce que je n'ai pas écrit un livre sur l'anarchisme. J'ai écrit un livre sur l'anarchisme. Deux livres sur l'anarchisme. Et je ne sais pas combien encore. Mais là, je n'ai pas écrit un livre sur l'anarchisme. L'Union des hydropathes, c'est Alphonse Allais qui l'a créé, à Paris, rive droite, avant de déménager, rive gauche, au cabaret du Chat Noir, où les hydropathes ont donné leur libre cours à leur verve. Chat Noir, qui a peut-être d'ailleurs été la base ultérieure de la CNT. J'ai toujours adoré... Chez Bruant. J'ai toujours adoré ce titre, l'Union des hydropathes, le club des hydropathes, je sais pas comment ça l'est exactement. Et comme je vis avec un alcoolique notoire, je ne pouvais pas passer à côté de l'Union des hydropathes. J'ai créé le mot bartambule et j'ai écrit une Union des hydropathes parce que c'est ma vie quotidienne. Voilà. Est-ce que c'est clair? Mais tu les montres sous un aspect sympathique. Oh mais ils sont flamboyants. Sont formidables. Les hydropathes, mais même les hydropathes historiques sont des gens absolument. Mais tu lis, tu ouvres n'importe quel Alphonse Allais, tu vas voir. C'est vraiment. C'est des sommets. C'est des sommets. Et l'Union des hydropathes, depuis longtemps j'avais flashé sur ce titre qui vraiment fallait l'inventer. J'aurais toute seule, j'aurais été incapable de l'inventer. Mais. Étant donné que je suis harcelée par le pinard, c'est obligé que ce soit des... Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. C'est sûr. C'est simple. On dit les choses comme elles sont. C'est clair, comme tu pourrais dire. Voilà, les hydropathes, c'est les gens qui ont horreur de la flotte. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. Et alors, pour des gens qui transportent du pinard dans leur bagnole de finance, ça allait parfait. Ça allait parfait. Et ben alors. Oui, d'accord. Voilà. C'est un roman à clé, quoi, finalement. Je ne sais pas comment on dit dans la critique littéraire. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas ce que va dire. Non, si. Si ce livre trouve son dessinateur de bande dessinée, j'en attends beaucoup, beaucoup. Parce que je l'ai écrit, en plus, comme une série de tableaux. Mais comme en BD, si vous voulez. C'est-à-dire, on pourrait faire des tas de critiques littéraires à cette affaire-là. Mais comme en BD, c'est-à-dire une scène, une autre scène, voyez, bien encadrée, etc. Et je l'ai vraiment écrit comme ça. Ça se sent à la lecture c'est ou pas? Mais c'est la BD, c'est pas, Jenny Clay qui est différente de celle de maintenant. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'avait essayé de faire Phil et Callens avec les aventures épatantes et véridiques de Benoît Brochou. Parfaitement. Il y a des tableaux avec beaucoup de trucs. Oui, dans une case, il se passe plein de trucs. Alors que bon, la BD actuelle a pour plein de trucs, pour plein de cases. Là, en une case, beaucoup de choses. Et vraiment, tu peux dire chaque chapitre. Je ne l'ai pas construit a priori comme ça, mais il s'est construit au fur et à mesure de l'écriture Mais tu as parlé de Golo, effectivement, son bouquin sur Travers, là, qui est excellent. Ouais. Il y a à la fois de la bande dessinée classique en case, et il y a des tableaux d'une page voilà. qui sont merveilleux. Quoi. Voilà. Donc j'attends de savoir. Donc effectivement, voilà. Bon, maintenant que tu le dis, on peut imaginer un chapitre. Et... Voilà, donc j'attends de savoir s'il veut le dessiner ou pas, mais s'il veut le dessiner, ça ne sera pas tout de suite. Parce qu'il a du boulot sur la planche, mais bon, ça fait rien. Il a fait plusieurs fois dans sa... D'abord, c'est des sujets auxquels il est parfaitement sensible, ça c'est un. Pas entièrement nouveau pour lui, parce qu'il a fait Balade pour un voyou, Le bonheur dans le crime, enfin, bon. Puis ensuite, Mendiant et orgueilleux, etc. Mais si ça n'est pas Golo, il faudra que on cherche tous... Oui, Moki, oui, très bien, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Moki, très bien. Mais ça peut être d'autres, moi j'aime beaucoup Fmur. D'autres aiment beaucoup Tardy. Moi je trouve que Tardy commence à devenir très dessinateur officiel du mouvement anarchiste, ça me pose un peu. Mais il est bon, mais bon, il est un peu officiel, mais s'il veut, faut, d'accord. Et puis, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce petit livre, en fait, il trouverait, à mon point de vue, son épanouissement dans une BD. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui l'ont lu. Il a une beauté bois gravé qui est vraiment sympathique. Non, c'est vrai, son dessin est joli, mais justement, il est trop classique, à mon sens, au niveau scénario. Alors, j'ai eu diverses critiques, pas beaucoup, parce que le livre n'est pas sorti il y a longtemps, mais dans les critiques des gens qui ont lu le livre, j'en ai eu notamment une qui... j'en ai eu, je crois, trois. De... Une qui disait ça se passe à Lyon, ça pourrait se passer n'importe où ailleurs, disait une copine lyonnaise, la femme de Brest, Idelette. On ne voit pas bien vraiment que ça se passe à Lyon, le lieu est indifférent. Bon, ça c'est les Lyonnais, je ne sais pas ce qu'il leur faudrait de plus pour leur couleur locale. Bon, ça c'est un. J'ai eu aussi une autre critique qui disait oh, ça mélange tous les argots, on s'y retrouve pas. On parlait pas comme ça dans les années 60 à 80. Bon, on disait peut-être pas coquillard à tous les coins de rue, mais il n'y a pas non plus des choses vraiment très recherchées, mais enfin, ça a été dit, moi je peux pas, voilà. Et puis... Il y a eu des... Le but n'était pas là. Et puis, il y a eu des critiques sur le fond qui disaient « Mais pourquoi vous n'avez pas fait un livre politique ?» Carrément politique. Parce que c'est pas le choix que j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise mais... Non, mais j'ai toujours, j'aime beaucoup les cueilleurs de coton, par exemple, mais je suis de Travène, mais je suis pas capable de les écrire, quoi. Si vous voulez, moi, je fais ce dont je suis capable. Ils sont déjà tout écrits, mais les éditeurs ne les veulent pas. Il attend de vous un style crabouleste. Ah ben oui. Pourquoi? Je sais pas, les gens qui connaissent le livre, ils ont peut-être... Gilbert, tu connais le livre? Tu l'as lu, le livre? Choses à raconter, non? Tu l'as lu? Oui. Bon. Sur le plan du livre... C'est sûr qu'on peut discuter sur le style, mais bon, c'est comme tu l'as dit, tu l'as dit toi-même, c'est un essai, c'est une BD. J'ai fait un exercice de style, donc ça saurait dire qu'il n'est pas terrible pour un premier roman, hein, il n'aura pas le bon cours, ça, c'est, je pense pas. Quoi. C'est dommage. C'est ça dommage parce que ça aurait... Ça aurait sorti du RMI, dis donc. Ça aurait été bien, quoi. Mais après, bon, moi, je l'ai lu, effectivement, j'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'en ai... offert à des amis pour montrer le milieu de l'époque et ce qui se passait à l'époque. Pour faire un prix en cours, il faudrait plus de volume. C'est pas sûr. Duras, elle a eu le bon cours, mais elle a jamais eu le prix en cours. Mais à la fin de sa vie, à la fin de sa vie. C'est très rare que les bons cours. À la fin de sa vie. De toute façon, les éditeurs qui concourent pour le concours, ils sont pas trop nombreux. C'est pas les éditions Libertaires. Il y a un sigle, les éditions Libertaires. C'est Gali Grassoil, je crois que Libertaire, c'est pas. Alors pourquoi les éditions Libertaires? Ça aurait pu être le Cherche-Midi, hein. Mais au Cherche-Midi, il fallait encore poireauter, il n'y avait pas moyen de se faire entendre. J'ai sonné au Cherche-Midi, ils ne répondaient pas. Les éditeurs de nos jours, ils sont, ça va vraiment très très très mal, hein, dans l'édition, hein, sincèrement. Hein. C'est-à-dire les éditeurs, ce qu'ils recherchent, c'est la notion de profit. Alors il est évident que si un livre se vend, il est intéressant. Non mais ils répondent pas, ils ne répondent pas, ils répondent pas aux manuscrits. Ils te répondent au bout d'un an. sont souvent assez. Au mieux, les cahiers du Sud. Les cahiers du Sud m'a répondu au bout d'un an en s'excusant parce que nous sommes voisins à deux numéros de rue, tu vois. Donc, j'ai pas eu le courage de faire circuler à 10 grosses maisons d'édition un livre pour avoir la réponse dans 5 ans, non. Parce que vous savez que dans moins de maisons d'édition, il y a un comité de lecture. Hein. Alors, lorsqu'ils reçoivent de nombreux, et l'intérieur nous reçoit de nombreux livres, d'abord savoir qui va lire votre livre. Moi, je l'ai dit dans la maison d'édition, c'est déjà très compliqué. C'est déjà très compliqué. Parce que vous prenez n'importe quel éditeur, c'est pas l'éditeur qui lit les livres. L'éditeur, il garantit les fonds qui sont nécessaires à l'impression. Ça s'arrête là. L'éditeur, il ne garantit pas la qualité du livre. Il répond du nombre du tirage. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, pour avoir une édition chez un éditeur un peu connu, il faut être un produit auprès d'un lecteur de cette maison d'édition. Et donc, les éditions libertaires, il faut quand même savoir que les éditions libertaires, contrairement à la quatrième de couverture, je n'ai pas écrit ce livre en tant qu'écrivain, parce que j'étais en panne d'inspiration, ni pour satisfaire mon éditeur. Car mon éditeur, en guise de le satisfaire, il n'en voulait pas du bouquin. Et il l'a pris uniquement, les éditions libertaires, comme il me l'a bien dit, parce qu'il considérait qu'il avait une dette, ce qui n'est pas vrai. Il est venu dormir chez moi un soir qu'il était en affaires, que je l'ai reçu à la maison parce qu'il venait voir des prisonniers basques, des terroristes basques au Baumettes et qu'il habite à l'autre bout de la France, et que je l'ai hébergé chez moi, et c'est pour ça qu'il considérait qu'il avait une dette. Alors je ne sais pas si tu vois, depuis le temps que j'héberge des gens, bon. Non mais franchement, sans blague. Bon. Et il considérait qu'il avait une dette par sympathie à ce genre de sujet et de personnage, et que donc, et il l'a pris tout seul. Son comité de lecture n'en voulait pas, ça n'était pas assez idéologique. Et vous savez, vous comprenez? Et c'est un choix de ne pas faire un livre plus idéologique. Je ne le connais pas à l'éditeur, mais... Ben, c'est les éditions libertaires. Non, mais je ne le connais pas à la personne responsable des éditions libertaires. Mais il n'a pas pris de grands risques. Hein, parce qu'au point de vue financier, il n'a pas pris de risques énormes. Et pour lui, il a un niveau de plus dans sa collection. Mais peu importe, il faut le remercier. C'est toujours mieux d'avoir un éditeur que pas. Écoute, moi je suis contente que le livre existe. Moi personnellement, j'en ai édité des livres avec des auteurs. On avait fait un contrat qui était un contrat tout à fait raisonnable. On partageait les frais, on partageait les bénéfices. C'est prévu, je n'avais jamais eu de. Donc, il y a justement eu le festival de Merlieu qui est partie prenante des éditions libertaires la semaine dernière. Et vous avez remarqué que je n'ai pas eu de prix, ni Dieu ni maître. Il n'était pas paru. Mais tant mieux. Ce qui coûte, c'est ça. C'est la diffusion. La littérature mineure, vous comprenez? Ici, c'est un bon copain, et il a publié ce livre parce que c'est un bon copain, pas par conviction ni rien du tout. Il faut le savoir, je le dis pour la vérité que c'est. Hein? C'est pas les éditions libertaires, car le comité de lecture, il en a pas voulu. C'est-à-dire que le contenu du livre est tombé à côté de ce qu'il attendait. Il voulait un livre plus révolutionnaire. Il voulait un livre plus idéologique. Voilà. Et la politique a séduit triste. Mais moi, je l'ai volontairement fait pas plus idéologique, ce livre. J'ai voulu qu'il y ait cet aspect insaisissable, un peu flou, un peu... Ça, c'est aussi une originalité de toujours vouloir de littérature 100%, c'est une pauvreté, une manque de compréhension de ce qui pourrait être la culture du lecteur. Vous savez, la dernière révolution intellectuelle. Mais il s'en va, il n'a pas parlé. La dernière révolution intellectuelle, ce sont les Italiens. Les Italiens qui, avant-guerre, n'imprimaient que des livres qui étaient destinés aux érudits. et qui, à l'après-guerre, sous l'influence des écrivains communistes, c'est-à-dire Victor Vigny, a complètement changé le style sous l'influence de la littérature américaine. Tous les écrivains communistes de l'après-guerre en Italie ont été les admirateurs de la littérature américaine, de n'importe qui. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, en Italie, le style des livres a changé complètement. Lorsque vous avez affaire à des intellectuels italiens, que vous avez dû en connaître, vous pouvez leur poser la question et vous diront ce que je vous dis, à savoir que maintenant, il y a une littérature grand public qui avant n'existait pas. Ça n'existait pas du tout en Italie. Il y a une littérature populaire. Il était resté encore au fiancé ou au second. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Ouais. Bon, arrêter la discussion ici. Bien sûr, le local reste ouvert. On peut voir Claire parler de ses ouvrages, le faire dédicacer, bien sûr. D'ailleurs, je vais montrer l'exemple ensuite avec mon exemplaire. Et merci d'être venu. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Moi non plus, je lis pas les livres avant les débats. Hein. Le débat, ça peut être aussi l'occasion. C'est cocotte. Au revoir. Vous avez intérêt à le lire, sinon on n'en parle pas. Toi, ça pousse vachement à venir. Ils nous ont sorti ça. On veut pas faire la promotion du bouquin, on veut être avec des gens qui. Vous savez, je ne suis pas. Je fais pas des grands. Non, mais c'est bon, c'est les souvenirs de la journée. Voilà. Et puis après, je le vendrai plus cher, surtout. Voilà. Je vendrai ma bibliothèque avec un autographe de l'auteur. Voilà, exactement. Comme je suis pour les. J'ai que des collecteurs, moi, je suis un gros collecteur. Exactement. C'est pour le joke. C'est pour le souvenir. Je vous demande deux minutes, si je l'ai. Deux minutes, Oui, il va voir le. Ouais. J'ai été un très bon lecteur. C'est-à-dire un très bon lecteur. Parce que j'ai été notamment rappelé que j'ai mon problème de plus de consacrer. Et j'étais un meilleur correcteur. Je me disais, 103 heures encore. C'est pour ça que c'était gros davantage. Alors les gens vous disent, vous lisez vite, vous ne savez pas ce que vous lisez, vous ne lisez pas du tout. Vous cherchez les fautes. Lui, je ne peux pas les comprendre. Et les mots, c'est pareil, je ne peux pas comprendre deux mots. Seulement en lecture rapide, vous photographiez les mots. Alors quand vous avez par exemple la mer est immensément bleue, vous disiez là, bleu, le reste. Et mes faveurs vont vers les petits livres, pas parce que j'ai la flemme de lire des gros livres, pas du tout. Non, c'est que c'est plus difficile de condenser sa pensée que de la diluer. Vous prenez un livre de 100 pages, vous ajoutez 4 ou 5 adjectifs par-ci par-là, vous avez un livre de 4 livres de 200 pages. Et moi, mon idéal, c'est un livre dans lequel, entre deux lignes, je peux ajouter une idée ou une pensée personnelle. Personnel, pas écrit quelque chose d'intelligent, c'est ce que je veux dire, que j'arrive à voir le texte d'une manière légèrement différente. Donc, comme lorsque vous regardez la peinture, les peintres de talent, on les reconnaît au fait que 10 personnes regardent le tableau, les 10 personnes voient un sujet différent, mais leur premier. Et le livre, c'est pareil, chacun voit quelque chose de différent. Et alors, quand on parle de politique, si vous écrivez un livre essentiellement politique, vous vous en sortez pas parce que vous êtes obligé de mettre du parti pris pour en donner. Vous perdez un peu votre honnêteté intellectuelle. Parce qu'on est obligé de concevoir que dans chaque pensée, tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais. Alors, les gens qui sont sectaires sont vite tristes. Pour moi, on peut le voir comme ça. Pour moi. Et pour moi, c'est tout à fait personnel.